Section 7 de À la plus belle par Paul Féval, père. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Chapitre 13, où le faux Pierre Gillot confesse qu'il n'est pas un véritable Olivier Ledain. On chercherait en vain dans l'histoire du monde un homme comparable à Louis XI. Étrange amalgame des vertus et des vices les plus opposés, unissant la puissance à la faiblesse, la grandeur à la petitesse, le courage à la couardise, l'astuce naturelle à la loyauté réfléchie, ce prince qui eut sur son siècle et sur l'avenir, sur la France et sur l'Europe, la plus considérable influence, proposera peut-être une énigme historique éternellement insoluble. Mauvais fils, mauvais père, mauvais roi, disent les biographies. C'est jugé lestement. On a fait sur lui des drames et des romans, et aussi des tragédies. Walter Scott, Victor Hugo, Casimir de la Vigne nous ont montré les seins de plomb qui pendaient autour de son chaperon. Pourquoi de plomb? Les recueils d'anecdotes nous affirment qu'il avait 12 chambres à coucher pour tromper les efforts de ses assassins présomptifs. La garde écossaise suffisait. Et des trappes, et des potences, et des futailles de poison? Au fait, était-il lâche, le héros de Dieppe? Était-il brave, le fuyard de Montlhéry? Bien des princes tombèrent autour de lui, foudroyés par la mort mystérieuse. Il fit jaillir le sang des grands vassaux décapités jusque sur le front innocent de leur fils. Mais il eut un règne de combat, la France agrandie lui dut plusieurs provinces. Il brisa l'opposition tyrannique des hauts barons, il abattit et fonda, il conserva, il gouverna, il fut roi. À l'époque où se passe notre histoire, Louis XI était dans la force de l'âge. Il avait 47 ans et régnait depuis 8 ans. Chose terrible et belle alors que de régner. Autour du trône, il y avait un cercle de grands vassaux dont chacun était parfois plus puissant que le roi. Louis XI avait pris pour mission de donner un peu d'air au trône et d'élargir ce redoutable cercle qui gênait les mouvements au souverain. Charles de Bourgogne et François de Bretagne eurent de ses nouvelles, mais ils lui rendirent coup pour coup. Dans cette lutte acharnée, Louis XI resta vainqueur par lui et pour sa race. Ce que la civilisation a gagné de son fait, les plus simples le savent. Mauvais fils, mauvais père, c'est vrai. Mauvais roi, c'est faux. La France, grande et une, date de Louis XI. Et ceux qui l'accusent d'avoir été le premier révolutionnaire oublient que sans lui, la Révolution serait vieille peut-être de 400 ans déjà. Maître Pierre Gillot de Tours en Touraine, tourné en Olivier Ledain, fit bonne figure à l'interrogation de Jeannin, qui lui demandait de but en blanc s'il était le roi. Il se redressa si haut que Jeannin fit un pas en arrière, puis il répondit sans chercher de faux fuyant « Oui, mon homme, je suis le roi ». Ce grand titre de roi n'avait peut-être pas alors tout le prestige qui l'environna plus tard. Entre le roi et la nation, il y avait les seigneurs, et vis-à-vis de certains seigneurs, la suzeraineté royale n'était véritablement qu'un vain mot. Ainsi, le duc François, par exemple, était maître au pays de Bretagne autant et plus que Louis XI à Paris. Et cependant, autour de cette couronne de France, il y eut toujours une si belle splendeur que les brouillards féodaux et 1000 complications de l'écheveau politique n'en purent jamais obscurcir l'éclat. Jeannin porta la main à sa toque et se découvrit avec respect. « Je suis tout entier à Monseigneur le duc, dit-il. Mais que votre majesté m'ordonne quelque chose contre un autre que François de Bretagne, je crois que j'obéirai. « Ah ah, tu crois cela, mon homme ? » murmura le roi en souriant. « Voyons, assieds-toi là, vis-à-vis de moi, et trinquons, si tu veux. » Jeannin s'inclina, mais ne s'assit point. Nous ferons remarquer qu'auprès de Jeannin, Pierre Gillot ne parlait plus, comme il avait fait avec Bruno, de ce fantastique mariage entre 2 enfants qui étaient encore dans les flancs de leur mère, Charles et Anne. Louis XI, le plus fin diplomate de son temps, montait volontiers le long de la route, mais quand il arrivait au but, il parlait droit. Ses négociations orales avec Charles le Téméraire, dénaturées pour le besoin des fictions dramatiques, sont des modèles de franchise et de précision. Ce mortel ennemi de la chevalerie fut un aventurier à sa manière. Il allait de l'avant, et l'histoire qui le fait si côteleux est obligée d'avouer à chaque instant ses étranges hardiesses. « Ne t'assieds pas si tu ne veux pas, ami Jeannin, reprit-il. C'est beaucoup cela. C'est beaucoup de croire que tu m'obéirais. Dans ma terre de Bretagne, sur 10 hommes portant la lance ou l'épée, il en est 9 qui me regardent comme un prince étranger, c'est-à-dire ennemi. on ne peut rien contre ce malheur des temps. D'autres jours viendront, et tu le sais bien, puisque ton maître vaillant, le saint Morvert, l'a dit à l'heure où les hommes sont prophètes. « Oui, » prononça Jeannin à voix basse et d'un air sombre, « Monsieur U l'a dit à l'article de la mort. Comment le savez-vous, peu m'importe, Monsieur U a dit la Bretagne va mourir. »« La Bretagne va vivre ?» interrompit le roi dont les yeux s'animèrent. « Quand, je ne sais. Je demande à Dieu pour mon compte de vivre jusque-là, et je mourrai content. » Mais Moïse ne vit que de loin la bienheureuse terre de Canaan, promise à son peuple. Il est donné rarement à celui qui plante le jeune chêne de se reposer sous son ombrage. Maître Jeannin, je ne connais pas beaucoup de seigneurs à qui je voulusse parler comme je vous parle. Vous êtes de roture. La cause des pauvres et des faibles est votre cause. Écoutez-moi bien. La souffrance de tous est dans la division de l'autorité. Me comprenez-vous ? Non, sire. J'ai vu en passant un vaste beau champ de blé qui est au bas de la montagne, dit le roi en changeant de ton tout à coup. « À la lisière de la forêt ?» demanda Jeannin. « À la lisière de la forêt. Il appartient à ma noble maîtresse, Madame Reine de Kergariou. » Le roi sourit. « Ami Jeannin, reprit-il, ce beau champ ne perdrait-il pas de sa valeur si on le coupait de haies et de clôtures ?»« Si fait, assurément. Dieu a fait un champ plus vaste et plus beau. Ce champ est présentement gâté par des clôtures et des haies qui avilissent son inestimable prix. » Les divers lambeaux de ce champ ont des noms. Ils s'appellent Bourgogne, Bretagne, Languedoc, Gascogne, Flandre, Lorraine. Par Saint-Michel-Archange et l'ami Jeannin, je veux, moi, que ce beau champ, depuis la mer du Nord jusqu'aux Pyrénées, depuis la Manche jusqu'au Rhin et aux Alpes, s'appelle d'un seul nom, la France. Comprenez-vous maintenant ? Oui, sire. Le nain comprenait aussi et il se disait : Par mes confitures, l'honnête seigneur que voilà, à moi tout, rien aux autres. Mais si, au lieu de lui donner Nantes, Toulouse, Lille, Dijon et Péronne, on lui prenait Paris, ce serait tout un. Je parie que Jeannin le Simple ne s'avisera pas de cela. Voilà pourtant comme les nains entendent la politique. Ont-ils tort ? Si vous comprenez, poursuivit le roi, qui vous retient d'entrer dans cette noble entreprise ? Je sais que vous avez accès auprès des plus puissants parmi ceux qui entourent le duc, auprès du duc lui-même. Et cependant, vous êtes simplement homme d'armes au service d'une femme. Moi, je vous ferai plus grand que les orgueilleux qui vous dédaignent. On me connaît, on sait que j'attache peu de prix au hasard de la naissance. Qui t'a fait roi pourtant, pensa le nain dans son trou. Vaine chose, poursuivait Louis, vaine chose, ami Jeannin, que ces privilèges gagnés au sort, vaine chose aussi que l'aveugle fidélité du vassal. Sire, je ne vous comprends plus, dit Jeannin bonnement. Qu'est-ce que c'est en définitive que cette prétendue vertu qui consiste à tendre les dents aux morts, le cou à la bride, les flancs à l'éperon ? Ce dévouement de bête de somme a-t-il un nom ? C'est l'honneur, sire. Et qu'est-ce que c'est que l'honneur ? Demanda le roi. Je ne le sais pas, sire, et répondit Jeannin, mais je le sens. Le soleil descendait à l'horizon quand Pierre Gillot quitta son siège. Il y avait sur son visage, ridé avant le temps, du dépit et de la tristesse. « Maître Jeannin, dit-il, on ne m'avait pas trompé, vous êtes un digne homme. Mais je me suis trompé moi-même en pensant qu'un fils du peuple entendrait celui qui parle au nom du peuple. Les temps ne sont pas venus, l'épée vaudra mieux que la parole pendant des siècles encore. Cela ne m'empêchera pas d'employer ma vie tout entière à briser les clôtures et à raser les haies qui déshonorent le beau et vaste champ de mon royal héritage. Puisque vous ne voulez pas travailler à ma vigne, adieu, maître Jeannin. » « Adieu, sire. » Jeannin le reconduisit tête nue jusqu'au seuil du manoir. Pierre Gillot donna de la houssine à son bidet, qui était cependant bien innocent du mauvais succès de la négociation. Il avait proposé à Jeannin d'enlever François de Bretagne et de le conduire au Mont-Saint-Michel. Jeannin avait refusé, mais les paroles entendues étaient restées au fond de cet esprit droit et naïf. Ce qu'on lui avait dit revenait à sa mémoire, et l'impression produite était profonde. C'était sa loyauté inébranlable qui avait refusé. Son intelligence était avec le roi. « Oh le sot, oh le baudet, oh le triple nigaud !» lui cria le nain fier à bras, comme il rentrait pensif dans la salle à manger. « Tu étais là, toi ?» demanda Jeannin, dont les yeux rencontrèrent la porte ouverte du buffet. « Eh oui, j'y étais. C'est toi qui disais « C'est le roi, c'est le roi ?»« Eh oui, c'était moi. Ah, Jeannin, pauvre d'esprit, tu ne seras jamais chevalier. Il fallait accepter. » « Accepter ? Une trahison ?»« Ou bien, continua le nain, mettre ta large main sur l'épaule du finot et lui dire « Au nom du duc François, monseigneur, vous êtes mon prisonnier, sire. » Mettre la main sur le roi ?« Ah, Jeannin, Jeannin, tu ne seras jamais chevalier, et ta fille pleurera tant qu'elle mourra. »« Ma fille ?» s'écria Jeannin, qui le regarda ébahi. À ce moment, Jeannine passa le seuil de la salle. Elle était toute pâle et bien changée. Elle portait un costume de voyage. « Mon père, dit-elle, je pars pour Dole, sous votre bon plaisir. »« Et quand reviendras-tu ?»« Je ne sais. Ma grand-mère le priole veut bien que j'habite avec elle. » Jeannin croyait rêver. Sa fille était née au manoir du Rose. Pourquoi ce départ ? Pour la première fois, la lumière essaya de se faire dans l'esprit du bon écuyer. Il regarda du côté de Fierabras, mais Fierabras tourna la tête. Jeannin hésita avant de parler. « Tu ne veux donc plus demeurer au manoir, ma fille » demanda-t-il avec une sorte de timidité. La voix de Jeannine devint plus basse et trembla légèrement. « Je ne le peux plus, mon père, » répondit-elle. « Oh, oh, oh !» s'écria en ce moment le nain qui se guinda sur l'appui de la croisée. « Voyez, voyez !» Jeannin et sa fille regardèrent au dehors. Dans le chemin qui descendait au marais de Dole, les derniers rayons du soleil couchant mettaient de rouges reflets aux casques et cuirasses d'une troupe d'hommes d'armes. Au centre de la troupe, l'homme, au surcot brun, chevauchait sur son humble bidet. Maître Pierre Gillot n'était pas entré à l'étourdi sur le domaine de son cousin de Bretagne. Jeannin détourna les yeux de ce spectacle et les reporta sur sa fille. « Enfant, dit-il en la baisant au front, tu es comme ta mère. Ce que tu penses est bien pensé. Va demeurer avec ton aïeul et que Dieu nous protège. » Dame Fanchon le priole, grommela le nain, loge vis-à-vis de l'hôtel de Morvert. Vous verrez que désormais messire Aubry ne se fera plus prier pour rendre visite à sa belle cousine. Chapitre 14. Le logis de Berthe. À la place où fut commencée quelques années plus tard cette magnifique cathédrale de Dole qui tombera en poussière avant d'être achevée, la rue Miracle descendait tortueusement vers le champ de foire. C'était le quartier noble. Il y avait jusqu'à 5 hôtels projetant leurs pignons pointus sur l'étroite voie, et ces 5 hôtels faisaient l'achalandage principal de Dame Fanchon le priole, autrefois métayère au bourg de Saint-Jean, présentement mercière. Dame Fanchon ouvrait sa boutique, bien fournie de rubans, lacets, agrafes, cordonnets de soie et touffes de laine tressée, juste en face de l'hôtel de Morvert. Elle avait de l'âge, la bonne femme, mais elle gardait honnête mine et buvait encore son éculé de cidre d'une seule haleine. Simon le priole, son mari, dormait depuis longtemps au cimetière. L'hôtel de Morvert était un édifice assez grand qui abritait sa porte massive dans un enfoncement en forme de niche. La Vierge Marie et Sainte-Anne étaient dans 2 autres niches plus petites aux 2 côtés de lui. Le soir, on allumait 2 petits cierges de résine sous les pieuses images, et c'était l'unique éclairage de la plus belle rue de Dole. Nous penchons même à croire qu'on l'appelait la rue Miracle à cause de ces 2 lampions protecteurs, car à cette époque, c'était vraiment merveille qu'une lumière brillant dans la nuit d'une ville bretonne. 2 petites tourelles, de hauteur et de formes inégales, avançaient sur la rue aux 2 cornes du portail. Celle de droite avait un balcon de fer qui faisait saillie sous son dais de granit festonné. Sur ce balcon s'ouvrait la fenêtre de Berthe Mathilde de Morvert, demoiselle de Montfort, fille d'Enguerrand de Morvert, seigneur de Montfort et du Bosc, cadet de feu Monsieur U. Berthe possédait un grand héritage du chef de sa mère, qui était de la maison de Combourg, et n'avait pas de frère. La fenêtre de Berthe, haute et large, coupait son cintre en ogive très évasée. Les carreaux s'enchassaient dans des trèfles d'ébène reliés par des couronnes ovales et ouvertes comme celles qui se tiennent suspendues sur la tête des saints. La chambre était hexagone, le pan qui faisait face à la croisée rentrait dans le corps de logis et formait une énorme alcôve au fond de laquelle se dressait un prie-dieu entre 2 chandeliers d'argent à branches. À droite de l'alcôve, une porte vitrée donnait issue sur un jardin suspendu, communiquant par des terrasses tournantes avec les grands parterres de l'hôtel. À gauche, c'était le réduit pour s'ajuster, la toilette. Berthe avait 18 ans, il lui fallait peu de soins pour se faire belle, elle n'avait qu'à ne point trop cacher ses brillants cheveux à reflets perlés sous le cône rigide que la mode imposait alors aux têtes des nobles dames. Elle n'avait qu'à montrer sa taille hardie et flexible, ses belles mains blanches et son petit pied de fée. elle n'avait qu'à relever les longs cils de la paupière, voilant la fierté douce et tendre de ses yeux bleus. Elle n'avait qu'à sourire. Elle était grande, il y avait un peu de hauteur dans sa grâce, mais beaucoup de naïveté. Les pauvres gens de Dol savaient si elle était charitable et bonne. Elle avait perdu sa mère dès l'enfance. Son père, qui l'avait élevée, était un assez beau portrait de famille. Il suivait la cour de Nantes. Au temps de la Praguerie, ça avait été un superbe capitaine. Nous entrons à l'hôtel de Morvert 15 jours après la visite que fit Pierre Gillot de Tours en Touraine au manoir du Rose. Il n'était pas encore midi, Berthe achevait sa toilette. Javotte, sa fille de chambre, grosse brune aux yeux rieurs, étageait le long de ses joues les tresses lustrées de sa coiffure et bavardait comme il convient à une camériste d'Auloise. Les caméristes d'Auloise ressemblent aux filles de chambre des autres pays. « Pour quant à ça qu'il est gentil, mais gentil tout plein, ô Seigneur Dieu du ciel » disait-elle en supprimant les virgules pour ne rien perdre. « C'est la vérité vraie, je ne mens pas. » Quand il chevauche dans la rue avec Jeannin, son écuyer, encore un qui est beau, c'est sûr, toutes les demoiselles se mettent aux fenêtres pour le voir passer. Que c'est même effronté à elle, on peut le dire, de se pendre aux croisées pour dévisager les hommes d'armes. Tournez voir un peu votre tête, demoiselle Berthe, là. Quoique ça, la houlette Guénec, depuis qu'il était chevin, son père a tant grossi qu'il se tient de côté pour passer à la porte du Chandolan. La raoulette lui sourit tant qu'elle peut à l'écuyer Jeannin. « Tu es médisante, petite Javotte, » dit Berthe doucement. « Moi, médisante, demoiselle, ami Jésus, croyez-vous que ça m'est pas bien égal que la raoulette, et même Fanchon du Haut-Lieu, sans parler d'Yvonne, la rousse, fasse les 12 yeux à l'écuyer Jeannin ? Mesdames, si, ça m'est bien égal. Tout ça, c'était pour vous dire que messire Aubry perd la tête à cause de vous. Depuis 15 jours, il vient en la ville de Dol matin et soir. Il passe, il repasse, bonté des anges, par la rue Miracle, à pied, à cheval, le matin, le soir, et jamais il ne franchit le seuil de l'hôtel, interrompit Berthe avec tristesse. « Ah, mesdames !» s'écria la grosse Javotte. « Depuis que le monde est monde, les jeunes gars sont plus timides que les demoiselles. Ça tient à la différence des sexes, comme dit mon oncle Bruno, qui est moine et savant de nature, car il n'a jamais étudié. » Voilà donc pourquoi Javotte était si bavarde. Elle avait un peu de bon sang de Bruno dans les veines. « De quoi, reprit-elle, faudrait-il pas que messire Aubry fût gaillard comme s'il portait des jupes ? Allez, il n'a pas besoin d'entrer à l'hôtel, à moins que ce ne soit pour moi ou la petite Jeannine de chez là le Priol, qu'il passe et repasse dans la rue Miracle. » Elle éclata en un bon gros rire franc et joyeux. Les longues tresses de Berthe tombaient en désordre sur ses joues. La main de la fille de chambre, un peu rouge, faisait ressortir la délicate carnation de ce visage, si jeune et si beau. Certes, ce n'était pas en effet pour Javotte que messire Aubry passait et repassait dans la rue Miracle. « Tu sais, dit Berthe, fais que mes tresses se renflent et descendent en s'arrondissant. Un jour que j'étais coiffée ainsi, je me souviens qu'il regarda longtemps mes cheveux. « Oh, comme vous vous aimez tous deux, ma chère maîtresse, et le joli ménage que vous ferez !» Berthe baissa les yeux, et un incarnat fugitif vint animer sa joue trop pâle. Elle avait presque un sourire. « C'est singulier, murmura-t-elle. Tu me dis toujours qu'il m'aime, toi, Javotte. Mon père me l'assure, Madame Reine me l'écrit, le bon écuyer Jeannin m'en jure, c'est grand Dieu, et lui, oh lui, ne m'a jamais rien dit de semblable. « Son sexe, mademoiselle Berthe, son sexe !» s'écria la rustique camériste. « Songez à son sexe. J'ai ouï dire qu'à Paris c'est autrement. Mais Messire Aubry est de Bretagne. Mi Jésus, moi qui vous parle, Julien Moutonnet, mon promis, a été 2 ans avant d'oser me donner son premier coup de poing dans le dos. Regardez voir si vos tresses vous conviennent. » Berthe jeta un regard distrait au petit miroir qui basculait entre 2 colonnettes de bois sculpté. Elle était si charmante que sa tristesse ne put tenir. Un éclair de naïf orgueil s'alluma dans ses beaux yeux. « Oui, ma fille, dit-elle, mes tresses me conviennent. Mais tu parlais de Jeannine tout à l'heure. Pourquoi ne vient-elle plus me visiter ?»« Oh, quant à cela, sur ma foi, je n'en sais rien, répliqua Javotte. Je ne m'occupe pas beaucoup de ce petit monde. Mais que je vous raconte donc quelque chose qui va bien vous divertir. Une histoire de l'ogre des îles. » Javotte, qui s'était éloigné pour voir à distance l'effet de la coiffure, ne s'aperçut point qu'un tremblement faible agita tout à coup les paupières de sa jeune maîtresse, pendant qu'une nuance de pâleur plus mate remontait à son front. S'en fut-elle aperçue que rien ne lui eût semblé plus naturel, car il suffisait de prononcer le nom terrible du comte Otto Beringhem, l'homme de fer, pour faire pâlir et trembler les jeunes filles. C'était le grand épouvantail des côtes normandes et bretonnes. Le peu de mots que nous en avons dit dans les premiers chapitres de cette histoire l'ont montré déjà sous ce jour fantastique et mystérieux qui grandit héros et coquin au-dessus de la taille humaine. Mais nous n'avons pu dire l'innombrable quantité de versions changeant de lieu en lieu le long de la côte qui prêtaient cent figures diverses au même personnage et le chargeaient d'un fardeau de péché que n'eussent pu porter sans large conscience de réprouver. Le fond de tout cela était manifestement une réminiscence des horreurs idiotes et sauvages révélées par les récents procès du maréchal de Retz. L'esprit public avait été violemment frappé. On voyait partout des crimes contre nature, des miracles que la science des alchimistes promettait toujours pour ne les produire jamais. Chaque forêt était alors peuplée d'esprits malfaisants. Le plus clair taillis avait son petit diable qui égratignait les passants lorsque sa faiblesse ne lui permettait point de leur tordre le cou. Les épouvantables fêtes du château de Barbe Bleue, les sépulcres violés, les autels profanés et tachés de sang humain, les caves de Tiffauge pleines d'ossements qui n'avaient pas voulu se changer en or, le grand chêne creux de Pau-Sauge mutilé d'en haut par le feu céleste, brûlé d'en bas par la laine de l'enfer, le puits de Cran où bouillonnait l'eau chaude et rouge, enfin ces sombres et magnifiques galeries où l'infâme Florentin Prelati s'entretenait avec le roi du mal, tout cela avait été consacré par des débats publics suivis d'un arrêt solennel. Et les juges étaient Jean de Malétroit, évêque de Nantes, chancelier de Bretagne, et Pierre de l'Hôpital, sénéchal de Rennes, président de Bretagne. Ces hauts seigneurs, l'un prince de l'Église, l'autre à la fois homme d'État et chef de la magistrature, avait recueilli l'aveu des coupables en pleine séance de l'officialité. Et chacun se souvenait de l'échafaud tendu de noir où Gilles de Rais, le fils du grand comte Brémor de Laval, était monté les mains jointes, la tête rase, les larmes aux yeux. Des années s'étaient écoulées depuis lors, mais les choses sombres et terribles ne s'oublient pas en Bretagne. Les veillées répétèrent le nom maudit de Gilles de Rais pendant bien longtemps, et la poésie qui est l'âme des chaumières bretonnes s'empara de la légende pour la perfectionner, pour l'exagérer, pour la diviser à l'infini et composer avec chacun de ses tronçons un conte à hérisser les cheveux. Le diable a toujours été grandement à la mode chez les bonnes gens de nos côtes de l'Ouest. Il était alors plus à la mode que jamais. Chacun savait bien qu'il y avait dans les roches de Pinmar des hommes à longues chevelures bleues, nourris de l'écume des mers, qui savaient le mot formidable auquel obéit la tempête. Auprès des grottes druidites de Saint, parmi les troncs sacrés qui abritaient jadis les prêtresses, ceux qui ne croyaient pas pouvaient y aller voir. Un Gaulois plus âgé que le monde écrasait de son souffle les navires en détresse dans la baie des Trépassés. Carnac, chaque nuit de Noël, voyait une pierre de plus grossir l'armée de ces mystérieux menhirs, et 24 vierges de la ville de Carantoir, égarées dans la forêt de Rieux, alignaient sous les roseaux de Loust leurs pauvres squelettes disséqués par la femme blanche des marais, ce gigantesque fantôme habillé de brouillard qui plane au-dessus du gouffre de Trémoulé. Pourquoi, hélas ? Jeunes et vieux pouvaient répondre parce que tout était confusion et impiété sur la terre. Parce que la Sainte-Croix des paroisses n'avait plus le pouvoir de protéger les alentours. Il eût été bien singulier que dans ce déluge de croyances surnaturelles, les grèves du Mont-Saint-Michel, si fertiles en malheur, les côtes brumeuses et ces îles que l'œil devine au loin par-delà Tombelaine, restassent sans légende. Aussi en eurent-elles plutôt 10 qu'une seule, et l'homme de fer, l'ogre des îles, fut comme le Jupiter de cette obscure et fantasque mythologie. Le comte Otto Beringhem était dans le pays depuis 4 ans. Le motif apparent de sa venue avait été un pèlerinage à la basilique du Mont-Saint-Michel. Mais il n'y était entré qu'une fois, armé, visière baissée, et on l'avait emporté à bras hors de la chapelle où il était tombé dès l'introïte de la messe, comme si la foudre de Dieu l'eût atteint. Une chose étrange, parmi tant de bizarreries, c'est que personne n'avait aperçu jamais le visage du comte Otto. La galerie de son casque couronnée de perles était toujours fermée. Les uns prétendaient qu'il était noir comme les sauvages des sources du Nil, les autres disaient que la visière de son casque d'or recouvrait le visage d'un squelette. Les premiers approchaient peut-être davantage de la vérité, car le comte Otto avait toujours à sa suite deux écuyers et quatre servants d'armes qui, tous les six, étaient de race nègre. Il les habillait de soie blanche brodée d'argent. Maintenant, comment exprimer cela? Le comte Otto était triple. Il y avait en lui l'homme de fer à la barbe bleue, l'ogre et le spectre des légendes allemandes apportés en Bretagne par les pèlerins du Mont. Les gens de la campagne bretonne conçoivent et rendent parfaitement ces prodigieuses multiplications de lettres. En thèse générale, leur esprit, saturé de récits merveilleux, n'a besoin d'aucun effort pour admettre l'impossible. Le comte Otto Beringhem, sous sa première espèce, l'homme de fer, était un guerrier armé de toutes pièces, monté sur un grand cheval noir et suivi de six Éthiopiens couleur d'ébène qui portaient des tuniques blanches. L'ogre des îles, au contraire, était un monstre velu, courant la nuit, à poil, sur un cheval sauvage, avec une hache dans la main, de la fumée dans les dents, du feu dans le creux de ses yeux. Et pourtant l'ogre et l'homme de fer étaient bien la même personne, qui se transformait au besoin et prenait une troisième apparence. Celle-ci était le rêve germanique. Un beau jeune homme, pâle comme le linceul des morts, froid, triste, muet, des cheveux noirs, soyeux, sur un front d'ivoire, des mains plus blanches et plus efféminées que les mains d'une fille noble, un regard doux, une voix grave et tendre. Or, choisissez entre les trois. Et ne vous étonnez plus s'il y eut un peu d'émotion chez la jolie Berthe de Morvert quand Javotte, sa chambrière, lui annonça qu'elle allait conter une histoire du comte Otto Beringhem. Fin de la section 7.